déterminé. Et ce lieu, c'est Jésus lui-même qui devrait l'indiquer. Et Jésus dit, vous rencontrerez, il dit, allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-les. Lorsque le Seigneur te conduit, il va te donner parfois certains détails qu'il faut respecter. Il dit, allez en ville et vous allez rencontrer un homme qui a une cruche d'eau. Il faut le suivre. Et les disciples ont obéi. Et la Bible nous dit, quelque part qu'il entre, dit au maître de la maison, le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. Et le verset 16 dit, les disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent les choses comme il leur avait dit et ils préparèrent la Pâque. Lorsque tu marches dans l'obéissance, tu suis la direction divine, tu seras béni. Tu vas trouver que le Seigneur lui-même a déjà préparé les temps et les circonstances. Deuxième vérité, malheur à celui qui se laisse utiliser par l'ennemi pour trahir Jésus-Christ, pour livrer Jésus-Christ. C'est vrai, ce passage nous montre que la mort de Jésus était déjà prévue dans les plans de Dieu. Mais il précise malheur à celui par qui le fils de l'homme sera livré. Je vais dire à quelqu'un, mon ami, parfois il peut arriver des scandales dans une église où il y a division. Parfois il arrive que dans une église ou dans une œuvre, on dit que le pasteur a chuté. Mais malheur la sœur par qui ce scandale arrive. Je vais parler à quelqu'un. Est-ce que tu comprends? Il ne faut pas que le scandale qui arrive dans l'œuvre de Dieu arrive par toi. Malheur à celui qui joue le rôle, par exemple, de détruire un foyer. Je suis en train d'avertir une sœur. Écoute-moi bien. Malheur si c'est par toi que le divorce est arrivé dans un foyer. Malheur à celui qui se laisse utiliser. Malheur à Judas, parce que c'est celui qui était l'instrument que l'ennemi a utilisé pour livrer Jésus. Vous voyez ce que Jésus dit? Jésus a dit au verset 18, pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. Ils commencèrent à s'attrister et à lui dire l'un après l'autre, est-ce moi? Le verset 20, il dit, il leur répondit, c'est l'un des 12 qui met avec moi la main dans les plats. Le fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le fils de l'homme est livré. Mieux vaut pour cet homme qui ne fut pas né. Troisième vérité concerne le sens de la Sainte Cène. La Sainte Cène est un repas d'alliance avec Dieu. Vous voyez ici, Jésus montre ici le symbolisme du pain et du vin que nous prenons. Il y a beaucoup de gens qui vont prendre la Sainte Cène sans comprendre la signification. Le verset 22. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, prenez ceci et mon corps. Attention, quand Jésus a dit prenez ceci et mon corps, il n'a pas coupé une partie de sa chair. Il voulait tout simplement dire, le pain que vous prenez symbolise mon corps qui sera livré pour vous. Donc, quand nous prenons le pain pendant la Sainte Cène, nous nous rappelons que Jésus est mort sur la croix. Il a livré son corps pour notre salut. Et le vin symbolise quoi? Symbolise le sang de Jésus, le sang de l'Alliance. Verset 23. Il prit ensuite une coupe et après l'avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs. Le sang de l'Alliance. Quand nous nous approchons de la table du Seigneur, nous devons comprendre que nous sommes en train de renouveler notre alliance avec le Seigneur. Parce que Jésus-Christ a versé son sang sur la croix pour nous racheter. Nous racheter des vaines manières de vivre que nous avons héritées de nos parents. Nous étions des esclaves, tu étais un esclave, Jésus t'a tiré de là. Il a brisé cette alliance que tu avais avec Satan, avec les démons. Et tu es rentré dans une nouvelle alliance, le sang de l'alliance nouvelle éternelle. Quand nous comprenons cela, nous ne devons plus vivre selon les prescriptions de l'ancienne alliance. On n'a plus besoin d'immoler des sacrifices, des taureaux, des boucs, des agneaux, parce que l'agneau de Dieu a déjà été immolé. Quatrième vérité, prenons garde de renier le Seigneur Jésus. Vous voyez, Jésus a averti ses disciples. Il dit, vous serez scandalisés, vous allez me renier. Mais l'apôtre Pierre dit, non, tout le monde peut te renier sauf moi. Et tout le monde a dit la même chose. Ce n'est pas en parlant que nous n'allons pas renier Jésus. Si nous ne pratiquons pas la discipline spirituelle. Par exemple, être régulier dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu. Lorsqu'il y a des activités au niveau de l'église, au niveau du corps du Christ, lorsque vous ne participez pas, vous risquez de retourner en arrière et vous risquez de renier Jésus. Vous voyez ici, Jésus a averti ses disciples. Il dit ceci au verset 28. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit, quand tout serait scandalisé, je ne serai pas scandalisé. Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité, toi aujourd'hui, cette nuit même, avant que les coqs chantent deux fois, tu me renieras trois fois. Je vais avertir à un frère, écoute-moi bien. Toi qui vas chanter dans des boîtes de nuit, tu vas accompagner des amis. Mon ami, il y a des milieux, quand tu commences à les fréquenter, ce milieu risque de te récupérer. C'est comme ça. Quand on commence à régner Jésus, quand on veut régner Jésus, ça commence petit à petit. Tu commences à marcher avec les amis du monde, tu commences à aimer la musique mondaine, tu commences à côtoyer certains milieux et petit à petit, tu commences à perdre même le goût des choses spirituelles, tu commences à diminuer le temps de prière, le temps de méditation, jusqu'à ce que tu peux arriver à régner Jésus et à retourner dans le monde. Prenons garde de ne pas régner Jésus-Christ. Que Dieu nous en préserve. Nous allons les louer. Chantons d'abord ce chant. Je veux t'adorer, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux t'adorer, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux t'adorer, je veux t'adorer. Je veux t'adorer, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. J'ai tout quitté, j'ai tout quitté pour te servir. Saint-Esprit, viens. Marie, j'ai tout quitté pour te servir. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Nous t'adorons, Seigneur. Oh, sois béni, cher Saint-Esprit. Toi, le consolateur. Il vient nous remplir de ta présence. Oh, ta présence qui nous donne la victoire. Oh, que ton nom soit élevé dans nos vies. Cher Saint-Esprit, alléluia. J'ai tout quitté. Au Seigneur. Élève ta voix, mon frère. Élève ta voix, ma sœur. Bénis le Seigneur. Lui, le Dieu qui nous préserve du malin. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Nous prions en nous inspirant de Saintes Écritures. Et aujourd'hui, le passage du jour, c'est Marc 14, 12 à 31. Nous encourageons tous ceux qui reçoivent OSB par les médias sociaux, particulièrement par WhatsApp, partagez à beaucoup d'amis, à des parents, pour qu'eux aussi puissent prier chaque jour, être restaurés, être renouvelés. Nous prions selon Marc 14, 12 à 31. Nous allons prier pour que Dieu nous aide à rechercher toujours sa direction. Même quand tu veux te marier, même quand tu veux travailler, tu veux commencer une activité, tu veux te déplacer, il faut rechercher la direction divine. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te glorifions et nous magnifions ton saint nom ce matin. Nous te remercions pour ta bonté. Ta parole déclare dans le 34e psaume, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, mais elles se renouvellent chaque matin. » Nous te disons merci parce que c'est par tes bontés que nous sommes déclarés enfants de Dieu, ayant accepté ton Fils Jésus-Christ que tu avais offert comme Seigneur et Sauveur personnel. Nous prions ce matin au Père éternel et nous demandons que ta grâce se manifeste chaque jour dans nos vies. Nous prions pour la direction divine. Oriente chacun de tes enfants afin que tous les actes que nous posons, afin que notre attitude, notre comportement soit toujours lié à la direction divine. Tu nous as appelés, tu nous as équipés, tu nous as envoyés pour être tes ambassadeurs. Et afin d'être efficace dans notre mission, nous avons besoin de recevoir régulièrement des instructions de ta part. Nous prions dans le nom de Jésus et nous déclarons que tout obstacle à la réception de la direction divine est ôté. Père, nous te disons merci parce que sans ton Fils Jésus-Christ, nous ne sommes rien, comme le disait l'apôtre Pierre. Merci pour cette direction divine. Merci pour la sécurité que nous avons en toi. Merci pour la protection et merci pour le zèle que tu nous donnes pour contribuer à l'avancement de ton œuvre. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir que la mort de Jésus faisait partie du plan de Dieu. Lui-même dit « Malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme sera livré ». Nous devons prier pour que nous ne soyons pas les instruments de scandale. Que le scandale qui arrive dans notre nation n'arrive pas par nous. Que le scandale qui arrive dans l'église, ça n'arrive pas par moi. Que le scandale, la division qui arrive dans la famille, que ça n'arrive pas par moi. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Dieu Tout-Puissant, merci pour ce réveil que tu nous as donné. Encore aujourd'hui, nous bénéficions de tes bontés, de tes grâces. Nous bénéficions du souffle de vie. Tu n'as pas permis que l'ennemi ait raison de nous. C'est encore une grâce de nous tenir sur nos pieds fermes pour t'adorer, pour te magnifier. Merci pour la force que tu nous donnes d'entendre et d'écouter ta parole. Nous élevons ton nom parce que tu nous préviens chaque jour les pas à prendre. Tu nous envoies la parole pour prendre la direction divine qui vient de toi. Et ce matin, tu dis malheur par qui le scandale arrive. Oui, Seigneur, le scandale peut venir dans notre nation. Mais malheur par qui cela peut venir. Le scandale peut venir dans notre famille, dans notre foyer. Mais malheur par qui ce scandale peut venir. Le scandale peut venir de notre service, dans nos lieux de travail. Mais malheur par qui ce scandale-là arrive. Ce matin, en tant que fils du royaume racheté, nous prions que nous puissions être des canaux pour éviter le scandale en tout temps et en tout lieu. Donne-nous de prendre des pas de sagesse, marcher dans la sagesse, vivre selon la sagesse, connaître ce qui est convenable et le faire. Merci pour ta bonne main qui nous a sécurisés et qui nous conduit en ce jour. Merci parce que nous ne serons point parmi ceux qui font confession de te connaître, mais qui occasionnent des scandales. Béni sois-tu pour ta bonne main au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir que si nous ne prenons garde, nous pouvons renier le maître, surtout quand nous traversons des moments difficiles. Jésus a dit « Prenez garde parce que tous vous serez scandalisés ». Et Pierre a dit « Moi, je ne peux pas te renier ». Mais la suite nous montre qu'il a fini par renier Jésus. Chacun de nous va prier pour dire « Seigneur, aide-moi à demeurer ferme, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations, que je ne puisse jamais te renier, que je puisse tenir ferme jusqu'au bout, au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. » Béni sois-tu, Père éternel, toi qui exerces nos mains au combat et nos doigts à la bataille. Béni sois-tu, El Elyon, toi qui es le Dieu très haut. Ce matin, nous te rendons grâce et nous te glorifions. Nous disons merci pour tous tes bienfaits, pour tout ce que tu fais dans nos vies chaque jour. Nous prions au Père éternel et nous te demandons que par ta grâce, tu nous accordes la fermeté dans notre foi, la fermeté dans nos résolutions, la fermeté dans notre engagement, que nous puissions tenir ferme contre les traits enflammés de l'ennemi. Ta parole déclare, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent vole comme l'aigle, il court, il ne se lasse point, il marche, il ne se fatigue point. Fais en sorte que nos forces soient toujours renouvelées, afin que nous tenions fermes contre les traits enflammés de l'ennemi. Merci Père éternel pour nos forces qui sont renouvelées. Merci Père éternel parce que nous avons pris l'engagement d'être des témoins partout où nous nous rendrons et nous le tiendrons. Et ceci grâce à ta parole qui nous édifie, ta parole qui consolide notre foi, ta parole qui est une épée à double tranchant, ta parole qui donne de l'espérance aux enfants de Dieu. Nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te glorifions parce que nous tenons ferme et nous tiendrons toujours ferme contre les tribulations, contre les traits enflammés de l'ennemi, avec l'aide de ton Fils Jésus-Christ. C'est en son nom que nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à très bientôt. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. La joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant.